Nazaréen avait une personnalité et une personne. Qu'est-ce qui se réincarne? La personnalité du Nazaréen va se réincarner. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas réincarné sa personnalité, puis ça a été un de mes gros problèmes. Parce que quand tu réincarnes une personne, l'ego essaie continuellement de savoir comment agir avec la personne que tu réincarnes. Alors, l'ego a besoin de la personnalité pour être capable de se dire, bon, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle doit s'exprimer. Étant donné que quand tu réincarnes une personne, le gros du problème, c'est que si tu n'as pas la personnalité, la personne devra, elle, s'exprimer à travers ce que tu es toi. C'est beaucoup mieux. Mais pour l'ego qui reçoit la personne, c'est tout un problème parce que je fais quoi? Alors, à un moment donné, tu regardes des images du Nazaréen ou les films, donc ils vont essayer de traduire l'image du Nazaréen. Puis chaque fois, tu te dis, c'est pas ça. Mais c'est normal, parce que ce n'est pas ce que tu es toi aujourd'hui. Donc, tu peux pas reconnaître le Nazaréen du passé. On parle de Jésus, le Nazaréen, c'est pas réincarné, c'est Jésus qui s'est réincarné. Et la personne est réincarnée, alors qu'il y a plusieurs personnes qui vont être capables de toucher, même des femmes, à la personnalité de Jésus du Nazaréen. Qu'est-ce qui est advenu du Nazaréen, si c'est pas réincarné? Il est certain que je fasse mon séminaire. Ça fait longtemps, là. Effectivement. Le Nazaréen, c'est l'alliance de Jésus et du Christ. Alors, sur la croix, le Christ a crissé son camp. Il a laissé Jésus sur la croix. Et Jésus, c'est un être humain planétaire qui, à un moment donné, a accepté une alliance forcée entre l'intelligence supramentale, qui est l'énergie christique, une effusion michaélienne et ce qu'il était lui. Alors, Jésus s'est réincarné une seule fois. Quand la personne du passé s'incarne, elle ne s'incarne que dans une seule personne. Les personnalités réincarnationnelles peuvent se retrouver dans plusieurs personnes, ce qu'on a déjà expliqué souvent. Alors, la personnalité de Jésus peut s'incarner un peu partout, puis ça va s'incarner jusqu'à temps que le monde de la mort soit totalement détruit, ce qui va arriver dans les quelques années qui viennent. Alors, en attendant, la personne s'est incarnée. Le Nazaréen lui-même, c'est l'alliance entre les deux. Donc, quand l'énergie christique est partie, il restait Jésus. Le Jésus-Christ n'existait plus. Donc, le Nazaréen non plus. Le disciple Jean est-il réincarné aujourd'hui? Est-ce vrai qu'il était l'ami le plus proche du Nazaréen? Non, c'était le disciple le plus près. Mais ce n'était pas l'ami le plus près. Et oui, il est réincarné aujourd'hui en termes de personnalité. Et présentement, il y a des tendances à ce que la personne Jean s'incarne, c'est pas complété. Qui était l'ami le plus près? Lazare. Dans les gars. D'ailleurs, OK. Après avoir été ramassé par l'astral, quelle est la façon concrète de recommencer à zéro? Bon. La façon concrète de recommencer à zéro, c'est que premièrement, l'humain ne commence jamais à zéro. Il faut que l'humain se force pour recommencer à zéro. À 18 ans, tu pars de chez toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as plus ou moins pas d'emploi. Et puis finalement, tu arrives à bâtir ta vie, tu crées un potentiel financier, puis à 25 ans ou à 30 ans, disons, à un moment donné, tu perds tout, faillite personnelle, n'importe quoi. Tu n'as plus rien. Là, il faut que je reparte à zéro. C'est la décadence, la décrépitude. Pourtant, à 20 ans, tu n'avais pas d'expérience, tu étais capable de te lancer. Maintenant, à 25 ans, 30 ans, tu as plein d'expérience, puis c'est pire de te lancer. L'humain ne repart jamais à zéro. Ramassé par l'astral ou pas, l'humain ne repart pas à zéro. Alors, l'humain doit simplement partir de ce qu'il est lui. On cherche tellement des solutions compliquées. Je connais des personnes, moi, qui ont jusqu'à près d'un demi-million de dettes. Puis, ils ont pas mal de créanciers qui leur courent après. Des mouches. D'ailleurs, son dernier 100 000, il l'a perdu en investissant dans le raid. Et puis... Personne-là, elle n'a pas l'impression qu'elle repart à zéro. Elle a eu l'impression de temps en temps. Puis à un moment donné, non. Quand l'énergie commence à recirculer chez elle, bien là, subitement, elle commence à arriver. Vous savez ce qu'il y en est? Vous ne savez pas. Vous savez, oui. Vous savez que vous ne savez pas ce qui vous attend. Il y a une personne dernièrement qui me disait tout le temps, oui, mais tu sais, être riche, je ne vois pas comment je peux être riche, je ne vois pas comment. On ne voit jamais comment. Puis là, à un moment donné, son cerveau était un petit peu plus clair, subitement. C'est un exemple que je donne aujourd'hui comme ça. Bon, à un moment donné, il y avait un phare de brûler sur une automobile. Ça coûte 60$ le faire changer chez le concessionnaire. Puis là, ça fait qu'ils n'ont pas cet argent-là, la personne ne l'a pas pour soi. Là. Mais sa vie est mal éclairée. C'est un symptôme, ça, quand tu as une automobile, un phare qui est éteint, c'est parce que tu vois mal où tu vas. Et puis, au niveau de la conscience. Puis à un moment donné, ben là, le cerveau se plaçant, puis les choses se plaçant, à un moment donné, subitement, ils ont une idée géniale. Allez voir chez Canadian Tire, ils ne vendent pas la même lampe. Ben, il y a à vendre pour 17$. Puis ils l'installent pour 8$. Fait que là, tu viens de sauver 40$, disons. Puis là, le cerveau étant plus clair, subitement, la personne a dit, ouais, peut-être que je peux poser moi-même. Puis finalement, ben, tu sais, c'est une ampoule halogène, mais tu lis l'instruction, tu sais, puis tu ne tiens pas que ta main, puis sans brûler une, t'en achètes, mais t'apprends. Puis là, finalement, voilà. Mais quelques temps avant, la personne ne pouvait pas comprendre comment. Là, je dis pas ça. Là, tu es en train d'être riche parce que c'est l'attitude que tu développes. C'est pas l'argent. Les gens pensent que c'est la finance, le temps ou les amis. C'est l'attitude. Après ça, le reste va venir. Oui, mais ça va venir comment? Ça vous regarde pas. C'est pas nécessaire que vous sachiez comment ça va venir. Moi, quand j'étais PTC, travaillé PTC pendant quelques années. Petit torcheur de... Préposé torcheur de... Non, PTC. Ah, j'étais PTC. Et puis, j'ai PTC pendant longtemps. Et puis, à un moment donné, eh bien, je n'avais pas le bol, j'ai fait mon camp au Guatemala. J'étais dans la jungle. J'ai été, découvert des ruines. Puis, dernièrement, j'ai su à la télévision qu'on venait de découvrir que celui qui avait envoyé l'Empire Maya en faillite était enterré dans un endroit dans le Petén, au Guatemala, dans un endroit qui s'appelle Dos Pilas. Depuis. C'est là que j'ai été. Là, j'ai vu dernièrement à la télévision les photos des places. Là, j'ai tout été positif de ce qu'ils ont pris. Parce qu'on avait été là avant eux autres. 10 ans avant. On y allait avec un gars vieux descendant Maya, on trouvait la visite des places. Et puis, c'est passé plein de cossins là. Mais là, ce qui arrive simplement, c'est que quand on parle de conscience, moi, j'ai après ça, je suis revenu, du coup, j'étais ambulancier. Au début, transporteur de viande, et puis après ça, tu suis les cours, etc. Puis moi, je me mets une branche, tu sais. Et puis, finalement, tu deviens technicien médical d'urgence, technicien spécialisé en soins préhospitaliers, etc. Mais qui aurait dit qu'à un moment donné, c'est le gars qui est ambulancier, subitement il cesse d'être ambulancier, il commence à faire des conférences. Le monde vient d'écouter. Tu sais, si je regarde PTC, tu sais, là, maman, madame, faut qu'on vous tourne de bord. Pour l'autre matin, là. Après ça, t'es rendu, tu fais des conférences, t'es habillé convenablement, t'as une maison qui a de l'allure, t'as des automobiles qui ont de l'allure, tu voyages quand il faut, t'es entouré de gens qui ont de l'allure. C'est, bon, est-ce que j'aurais prévu ça? Hein, on pense que Daniel Kemp, c'est un génie, tu sais, il était dans l'ambulancier, puis il se disait, moi, je me fais des conférences, je me fais le PMC, moi, là, tu sais, puis là, bah, le Racing était à l'affaire, puis... C'est la grosse stratégie financière. J'ai jamais compris ce que j'ai fait. Moi, ça m'arrange. Ça a des problèmes de moins. C'est sûr qu'il faut être conscient de certaines mécaniques. Il faut surtout entourer des personnes, des bonnes personnes qui sont dans leur trou. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font dans ce trou-là. C'est spontané. Alors, on a une personne qui est un créatif, mettons un créateur au niveau publicitaire. Il ne sait pas ce qu'il fait, lui. Lui, il crée. Nous, on dit que c'est génial. C'est tellement plus facile comme ça. Bon, mais moi, je n'ai pas rien prévu de ça. J'ai fait quelques conférences à certaines places. L'Astral m'a rentré dedans pour que j'y aille. Puis finalement, j'y étais pareil. Puis il y a un gars qui est venu qui m'a fourré à l'os. C'est lui qui m'a sorti du domaine ambulancier. Fait qu'il ne m'a pas fourré du tout. C'est grâce à lui que j'en suis là. Et puis, tout un paquet de phénomènes. À un moment donné, je décide que je n'ai pas le bol de la classe sociale dans laquelle je suis. Je sens que. Énergétiquement, c'est quelque chose d'autre. Alors, je décide que j'en dis, puis je m'achète un autre automobile. J'ai juste l'argent qu'il faut pour que le gars il me croie. Fait qu'on me prête l'argent à la Banque Toronto Dominion, là, je m'achète une Toyota Tercel familiale, neuve. Tout est bien correct. Là, je regarde mon linge, mon garde-robe, là, je me dis ça, là, ça me fait plus, il faudrait bien que je le jette. Non, mais c'est bien. Là, t'es pauvre, t'es pas pauvre, tu le veux plus, il fait plus, tu le mets pas, le garde-robe est plein, en tout cas, bon. Là, à un moment donné, je commence à en acheter, puis à en acheter. Là, je vais me racheter du nouveau linge. J'ai aucune idée de ce que je veux. Là, je m'achète des jeans propres, et que je me sens-tu aristocrate, le moi, en jeans propres, et que c'est. Hey, j'ai des vieilles jeans, tu sais, qui est trop dedans. C'est avec des bords qui ramassent tout le sol par où t'es passé, tu sais. Tu fais un mur, ça marche de même, ils savent tout ce que t'as fait l'année dernière. Tout est dans tes bords de culotte. Oui, ben c'est le 1er janvier que je l'ai acheté. Fait que le 31 décembre, c'est l'année dernière, hier. Mais là, ce qui arrive, c'est que moi, je décide, je vibratoirement. Puis là, la question que mes amis me posent, la question que je me pose moi-même, c'est, ouais, mais tu sais, comment je vais faire? Tu sais, je suis ambulancier. Ils ne m'augmenteront pas, tu es payé au salaire minimum. Ça pourrait être augmenté, puis tu fais du temps supplémentaire. C'est pas une augmentation. Ouais. Les 3 premières heures, c'est au gouvernement, la 4e, elle va à toi, tu sais. Ben oui, ben c'est ça. Je me suis tout changé au complet énergétiquement, c'était comme ça, c'est l'attitude. Une semaine et demie après, j'ai rencontré un bonhomme qui m'offrait 500$ par semaine pour venir faire une affaire qui m'aurait toujours plu, qui était simplement de filtrer les individus dans l'ésotérisme, les bons puis les mauvais, simplement filtrer, parce qu'il lui, il avait un centre, un centre de l'universalité, puis il voulait pas qu'il y ait du mauvais monde dedans. 500$ par semaine pour faire ça. Tu sais, est-ce que j'ai prévu ça? Non. Moi, je me serais assis et j'aurais dit, m'en faire tout ça au complet, puis il y a un gars qu'on connaît pas, qui vient de s'ouvrir un centre, qui est bien mal pris, puis qui va venir m'engager moi, ambulancier, pour que je vienne filtrer les affaires. Tu sais, ça aurait été parfait. J'aurais dit ça à ma mère, elle m'aurait interné. Non, je veux que vous compreniez que c'est facile de dire « Ah oui, mais lui, c'est pas pareil. » C'est la même chose. Moi, j'étais engagé là, je faisais pas de conférence, je bookais les conférences des autres. À un moment donné, il y a un gars qui nous fait une conférence, il y avait deux clients. Il a pas voulu, il a sacré son camp. Et là, je l'ai fait. Deux clients. T'as pas un problème, deux clients? Que tu sois bon ou que tu sois pas bon, tu t'en fous. Deux clients. Et puis progressivement, il y a eu 3 clients, 5 clients, 10 clients, 20 clients, puis etc. Mais c'est prévu, absolument rien à voir. Puis j'ai fait d'autres choses. À un moment donné, il y a une personne absolument géniale qui c'est dommage pour elle. Elle est bon. Elle m'a dit que peut-être que si j'écrirais un livre sur la pédagogie, tu sais, sur l'enfant nouveau, ce serait intéressant. Ben j'ai accepté. Je n'ai écrit un livre sur l'enfant nouveau. Parce qu'elle trouvait pousser un petit peu. Un peu sur l'enfant Teflon. Après ça, ben là, je n'ai écrit un deuxième parce que je trouvais que c'est mes stratégies, mais c'est elle qui m'a mis l'énergie. J'ai acheté une maison avec ce livre-là. J'ai acheté une autre tombée avec ce livre-là. J'avais pas pensé que je ferais des livres sur la pédagogie. Sur l'enfant Teflon, encore moins. C'est un livre de cuisine sur l'éducation. Jamais. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est qu'on ne sait pas, vous ne savez pas. Alors, ça essaie de vous dire, oui, mais moi, je vais me lancer, comment savoir? J'aurais jamais rien fait. Puis présentement, je travaille encore dans une restructuration complète et totale qui va m'amener à un autre niveau complet et totalement différent, mauditement mieux. Lequel? Aucune idée. J'en connais la saveur. La couleur, je m'en balance. Qui va être là, je m'en fous. L'important, c'est que ce soit la saveur que je veux. Puis ça va l'être. Puis qu'est-ce qui te fait dire que, de toute façon, rester là ou changer, on change. Puis je le sais en plus que c'est correct. Sauf que l'humain doit appliquer des mécaniques. Mais comment ça va arriver, ça? Je m'en balance. Hey, l'intelligence s'en occupe. Qu'est-ce que j'ai à foutre de tout savoir? Moi, je parle de mécanicien, il va me dire, parfait, on va réparer votre automobile. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Expliquez-moi ça, là. Je m'en fous. Moi, je m'en vais voir un film, puis quand je reviens, fonctionne, c'est correct. J'ai pas besoin de tout savoir au complet. C'est tellement facile. Alors, les individus ont peur, ils se demandent tout le temps. Faites ce que vous devez faire, laissez faire ce que vous pouvez pas faire. Il y a bien des choses qui vont se faire tout seul. Parce que ça arrive jamais comme on en pense. Ça arrive toujours comme on pense pas. C'est ça. Souvent, je m'ajuste aux autres. Je suis comme un caméléon, mais avec une telle attitude. Attitude. Il reste là. Ok. Je n'arrive pas à foncer, à aller de l'avant. C'est évident. Avec une telle caméléonnerie que finalement, je deviens le bonbon de tout le monde. Je veux, mais je ne sais pas comment faire pour prendre ma place, pour faire mon trou, même si je sais beaucoup de choses. Votre trou, cette personne-là ici, son trou n'est pas fait encore, son trou n'est pas là. Elle peut pas prendre son trou. Elle essaie de se faire un trou. Une petite poule, elle se brosse un peu les fesses, faire un trou dans le sable. Non! Cessez de vouloir être. La personne, elle doit s'arranger pour évoluer chez elle. On j'explique tellement de choses. Comment prendre son trou? Commence par s'ajuster en dos formiquement. Commence par entretenir ton corps physique. Commence par entretenir ton corps vital. Il y a des structures. Bon, le programme être contrôleur n'a pas été mis sur pied absolument pour le plaisir de le faire. C'est du travail, écrire, mettre ça sur pied, organiser, etc. C'est pas toujours fait à la perfection. Mais les individus qui s'en occupent font ce qu'ils peuvent. Ils ont leur trou, ils ont leur problème d'évolution aussi, je parle d'administration, n'importe quoi. Mais pourquoi tout ce travail-là est fait au complet? Uniquement parce que c'est absolument essentiel. Il y a des mécaniques là-dedans qui vont être absolument géniales pour les personnes en transition. Après, on n'aura plus besoin, c'est absolument évident. On vous met un plâtre autour de la jambe, c'est niaiseux en maudit. Dans un an, là, dans 6 mois, on va le casser le plâtre, puis le jeter aux poubelles. Quel gaspillage, mettez-moi-en pas. Mais si on vous en met pas, votre jambe ne pourra jamais se réparer. Alors, on met un plâtre. Il y a plusieurs techniques comme ça qui sont des techniques palliatives pour faciliter la transition. Vous allez transiter quand même. Vous allez arriver là-bas avec la peau usée un peu. Il y a des moyens plus confortables. La personne, ce qu'elle doit faire simplement, c'est c'est quoi mon trou? Énerve-toi pas, puis respire. Respire. Apprends à contrôler le corps physique. Là, on développe l'individu à l'intérieur. Vous devenez le maître contrôleur des structures qui, un jour, devront être sous le contrôle de votre conscience pour permettre l'atterrissement de l'intelligence. Il faut apprendre à les contrôler. Il faut apprendre à contrôler les expressions émotives négatives et pathologisantes de notre ego. Il faut apprendre à contrôler un paquet de mécaniques. Bon, alors on fait quoi? On passe le respirateur, on le passe en resconisant, on le passe en démarche flottante, on y va lentement, on frôle les... Ben bon, contrôle! On apprend juste à contrôler les mécaniques. Ça veut dire, oui, mais tu sais, moi, je pense que ça me prend 1 heure de plus à passer le respirateur dans la maison. Exact. Par contre, ça te prend 3 heures de moins par semaine de pratique parce que tu sers de ce que tu fais comme pratique. Vous prenez votre douche, là. Achetez-vous donc une grosse brosse avec des gros poils. Puis là, vous frottez avec ça, là. Savez-vous combien de points d'acupuncture vous allez brasser avec ça? Vous êtes obligé de vous laver. Ben, lavez-vous donc de façon en même temps à vous énergiser. Pas besoin de bien de savon, mais tu sais, tu dans le dos, tu sais. T'arrives-tu de laver comme il faut dans le dos? Non. Non, tu t'appelles ta femme, tu peux me laver dans le dos. Bon, correct. Mais combien de petites mécaniques, là, c'est ça qu'on fait. C'est ça, la conscientisation réelle, c'est ça. Progressivement, vous allez finir par vous faire un trou chez vous. Vous allez commencer à vous aimer, vous allez être bien, plus relax, moins colérique. Vous allez commencer à avoir des idées plus claires. Vous allez commencer à avoir des visions plus claires. Vous allez commencer à être moins paranoïaque. Les plus paranoïaques sont inconscients, quand même, on a peur. Vous allez commencer progressivement à être de mieux en mieux. Puis subitement, bien, il y a une affaire qui sait, tout va être parfait. Votre trou, là, vous allez arriver dedans sans tomber. Ça va être parfait. Mais on doit faire les mécaniques chez soi. Ça sert absolument à rien. Absolument à rien de vouloir se créer un trou ou de vouloir travailler tout le temps au niveau de l'extérieur. L'extérieur, c'est un baromètre pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mon baromètre, moi, il m'indique que je vais bien. Mais chaque fois que je vais mal, il me l'indique aussi. Là, je commence pas à régler le problème-là. Ça sert à rien. C'est comme prendre le baromètre, l'aiguille, elle descend, je la prends, mais je la remonte. Bon, là, il est correct. On va faire beau. Et quand ça baisse, c'est parce qu'il va faire mauvais. Même si tu le remontes, ça ne va rien changer. Il faut monter la pression atmosphérique, le baromètre va monter. Lâchez le baromètre. Fait que les individus travaillent toujours sur le baromètre, sur les symptômes. Il faut que ça paraisse bien, il faut qu'on paraisse évoluer, il faut qu'on paraisse qu'on n'a pas de problème, il faut qu'on paraisse du monde honnête. À force de paraître, ça paraît pas, mais on a des problèmes. Les individus doivent travailler sur eux-mêmes, puis tout de suite, facilement, la personne va trouver son trou. Mais on doit travailler sur des mécaniques. On doit isométriser le cerveau. C'est pas une technique qu'on a mis comme ça pour inscrire du monde. La cérébralité, elle est problématique chez l'humain. Il y a un hémisphère qui est infantile et un hémisphère qui est adulte. Dans les deux cas, c'est pas correct. Dans les deux cas, c'est bien. Alors, on doit isométriser. On doit faire en sorte, à un moment donné, qu'il y ait une gestion correcte entre les deux hémisphères pour l'apparition d'un troisième cerveau solide. De façon, ce qui t'aide, d'y avoir une contradiction, un dialogue interne qui est toujours en train de nous bouleverser. J'y vais pas, j'aime ça, j'aime pas ça, peut-être que c'est bon, peut-être que c'est pas bon. Il faut que ça t'aide. Alors, on isométrise. Comment on fait? Bon, ben, on travaille de la main faible. On pense différemment, on visualise en trois dimensions. On essaie de changer de point de vue. Et on peut pas tout faire ça d'un coup. On s'inscrit au cours PMC, puis on suit des techniques, on va nous montrer à le faire. On peut se faire tout seul, ces choses-là. Si on n'a pas l'énergie de le faire tout seul, qu'est-ce qu'on attend? Mais on va aller chercher l'énergie où ce qu'il faut. Un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Ouais, mais tu sais, c'est de la manipulation. Ah, tu as besoin d'être manipulé pour avancer? Mais peut-être. Ben, accepte donc la manipulation. Tu n'es plus manipulé. Tu te sers de la forme. C'est simple. Vous voulez apprendre l'anglais, mais d'une façon supramentale et spontanée. Vous n'inscrivez aucun cours. Vous essayez. Tout ce que vous savez dire, c'est « You're stupid. I don't know. » Hey, vous savez dire ça. À un moment donné, ben non, vous inscrivez un cours, vous payez de l'argent, 450$, 1000, 1000$, 1500$, dépendamment des cours. Puis là, vous commencez à écouter des mots de cassette, puis qui répètent « yes »,« no »,« blue »,« black », puis etc. C'est toutes les affaires que vous savez déjà. Oui, c'est sûr, on vous répète ce que vous savez déjà, mais continuez à écouter jusqu'à temps que vous allez arriver dans ce que vous savez pas. Mais qui pensent tout à l'autre item, « vos cassettes de pas bon, je fais tout ça », mais bon, pour ceux qui trouvent le cours mal fait, c'est compliqué le cours. Mal fait ce cours-là. Donc, on emprunte un au voisin. Moi, je suis brillant, mais je suis inscrit à aucun cours. J'ai emprunté le cours à tout le monde. Tous mes chums ont des cours. Tous des cours différents, des cassettes, des livres, des... Non, il y en a tous. Tous ceux qui parlent pas anglais, il y en a tous. Ouais, ils parlent pas anglais comme il faut, mais ils ont tous des cours. C'est tellement facile. Il faut s'autoriser, il faut comprendre les mécaniques. Moi, j'ai besoin de certains individus pour être capable de fonctionner. Énergétiquement, je dois être supporté par leur présence. Oh, ben, t'es assis, je le dis. Bon, balance! L'important, c'est que ça fonctionne. Je m'en fous pour le reste. Bon, j'ai des assujettis. Mon linge, là, j'ouvre pas mon garde-robe, puis il apparaît ce que j'ai besoin. Je l'achète encore. Bon, un jour peut-être. Mais là, je l'achète. Ah, t'es dépendant du tailleur. Ben oui, je suis dépendant du tailleur. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que je n'ai pas? Balance! C'est de faciliter, vous, la tâche. Puis soyez sérieux. Vous allez finir par apprendre un paquet de choses qui vont vous être utiles. On le trouve comme ça. Mais on applique. La personne elle travaille sur elle, contrôle ses choses, devient moins énervée, contrôle plus les structures de l'astral, puis son trou va se faire seul. Mani, Benoît, amis sont bien silencieux. Quand aurons-nous des nouvelles des gens de CEP? Est-ce que l'arrivée des chevaucheurs de lumière est prévue pour bientôt? Oui. Ils sont déjà là, mais ils ne sont pas parus. Tout le monde ne se paraît pas. pourquoi la suite s'en vient. Il y a des problématiques à l'intérieur du livre, du tome 1, qui font en sorte, en tout cas c'est toute une amanchure intéressante, là. Mais il faut rééditer le tome 1 au complet en corrigeant certaines choses dedans pour pouvoir permettre la naissance du tome 2. Et ça fait partie, ça, de certaines choses qui n'ont pas été convenablement appliquées par les individus qui évoluaient autour du livre à l'époque et qui maintenant les ont intégrées. Alors ça fait que l'astral se sert, l'astral travaille énormément contre certaines choses. Puis il faut qu'on change des petites clés dans le livre pour que probablement que ça ouvre la porte au tome 1 et que ça ouvre la porte au tome 2. Donc ça s'en vient, l'écriture est commencée, il y a bien des choses, évidemment, dans l'historique, mais... À la fin du tome 1, juste pour vous expliquer comment c'est les mécaniques, la médiocratie puis toutes les conneries, puis ça fonctionne. À la fin du tome 1, on explique un peu l'historique de certaines choses. Puis dans l'un des historiques, on explique qu'il y a une personne, à un moment donné, qui a écrit un livre de science-fiction, qui ne s'est pas bien vendu, et qui a ouvert des portes. Moi, en écrivant cette partie-là, je savais que c'est pas ça qu'il fallait que j'écrive. Il fallait que j'écrive qui s'est vendu énormément. Mais là, la fausse humilité fait en sorte que, sois donc humble, puis me donc, c'est pas vendu beaucoup. Puis là, en même temps que j'écrivais, parce que c'est une histoire réelle dans la Cité de Sept, en même temps que j'écris, je me dis, oui, mais si tu marques, c'est pas vendu beaucoup, ça ne vendrait pas beaucoup, même s'il est génial. Puis là, bon, la médiocratie, etc. Fait que j'ai laissé quand même là le texte, sachant que c'était pas bon. Tous ceux qui l'ont lu me disent, c'est génial, on attend le tome 2, les bibliothèques l'affichent comme un best-seller, sauf que les libraires en veulent pas. Ben, ils vendent pas. Parce qu'il faut qu'ils ne se vendent pas comme il faut, c'est écrit dans le livre. Ah, c'est épais en maudit! Mais c'est ce qui arrive. C'est la fausse humilité. À un moment donné, on est des êtres nouveaux, faut qu'on soit des êtres nouveaux. Vous êtes bons, on est bons. C'est simple. Là, il n'y a plus de fausse humilité. Si tu ne vas pas te vanter de le livre, il est bon. Alors, tu le mets. Le livre, il est bon, c'est pas nécessaire de le mettre. Il est mini. Mais parle-en pas, mais dis pas qu'il ne se vendra pas beaucoup, parce que là, j'étais en train d'écrire l'histoire. Mais il ne se vendra pas, il ne se vend pas beaucoup. Mais nécessairement, avant de lancer le tome 2, au prix que ça coûte, il va imprimer une amanchure de même. Fait que là, faut qu'on corrige le tome 1. Faut qu'on scrappe tous les livres qu'on a en réserve. Puis après ça, on réimprime, puis on le remet sur le marché quand il y aura une stratégie particulière au niveau des individus, pas juste moi, mais de ceux qui entourent les éditions. Parce que tous les livres qu'on a édités jusqu'à date, au niveau d'Enfant Teflon, c'est impeccable. On n'a pas mis de conneries là-dedans. Et puis, c'est impeccable. Il y a même des personnes qui n'ont jamais pu me sentir, qui attendent le tome 2, puis qui m'aiment maintenant énormément. Le livre est bon. Ça prouve que l'histoire s'est réalisée? Ben oui. Ce qui fait que, merde, si il faut se réaliser, autant mettre ce qu'on veut. Et pas mettre ce qu'on veut pas. Mais ça prouve que si on est dans le tangible total, c'est toujours un peu de l'abstrait. Non, c'est concret. Rendu à un niveau, c'est l'homme nouveau qui détermine les choses. Ben c'est ça. Fait que, effectivement, Manny est venu jaser, puis on va manipuler la... L'intraterrestre est-il l'ennemi de l'homme? Non, non, non, c'est un pauvre type. Non, c'est pas l'ennemi de l'homme, c'est pas l'ennemi de l'homme. Dans la Cité de Sept 2, puis 3. Donnez-moi. Non, c'est pas l'ennemi de l'homme. Y a-t-il des personnalités de contact et des personnalités réelles, ou si une personnalité... vit jusqu'à faire le contact. Dans une personnalité, c'est toujours une mécanique mémorielle du passage d'une personne. Alors, les personnalités n'ont pas d'intentionnalité. Quand on est sensible, on se rend compte qu'on réincarne telle personnalité, la personnalité ne vient pas nous dire « tac, tac, tac, allô, je vais me réincarner chez toi. » Nous, on est sensible. Parce qu'astralement, on est facilement charriable de façon à se faire ramasser. On n'a pas évolué. On n'a pas vivre de la conscientisation. Mécanique intraterrestre, on ne doit pas vivre de conscientisation. Et nous, on est assujettis, donc on s'imagine qu'on ne doit pas, on se fait récupérer. Mais l'être humain est tellement plus libre qu'il peut penser. Alors, il faut qu'on réponde plus vite. Okay. Pourquoi suis-je assailli de pensées compulsives et négatives lorsque je joue du piano ou lorsque je dessine? La mollet. Parce que présentement, on essaie simplement de vous expliquer qu'il y aurait une autre forme d'expression que vous pourriez développer au niveau de la créativité. Et cette cette explication-là qu'on essaie de vous donner est récupérée par l'astral qui essaie, lui, de s'arranger pour vous démolir complètement de façon à ce que vous ne puissiez pas, en exprimant la créativité ailleurs que sur le dessin ou le piano, ce qui ne vous empêche pas de continuer à faire ça, mais on essaie de vous exprimer qu'il y aurait une autre trame à aller chercher. Bien, l'astral, votre propre ego, travaille contre la conscientisation et s'arrange pour vous manipuler encore beaucoup plus à travers l'expression. Un peu comme au jeu du piano, puis là, vous allez avoir une idée, à un moment donné, qui va dire, vous allez avoir une bonne idée d'intelligence, de créativité ailleurs. Pour empêcher ça, eh bien, on commence à venir vous massacrer au niveau de l'astral. Ça fait qu'on va vous amener, vous allez, l'intelligence descend pour vous dire peut-être d'arrêter. Alors, nécessairement, on commence à venir vous amener d'autres pensées. Ce qui va nuire nécessairement progressivement à ce qu'on veut au piano ou au dessin. Et on aura des pensées qui vont continuer, qui vont devenir compulsives, effectivement. Et la personne va finir par en faire une répétition sans cesse dans un même vecteur. Parce que l'astral essaie de la récupérer. La personne, ce qu'elle doit faire, simplement, c'est que c'est tellement facile quand on sait comment. Vous devez être vous autres. Ça commence à compulser, là. Ben, chantez. Mettez de la clarté en dedans. C'est tellement facile. Sauf que l'individu n'y croit tellement pas qu'il peut le faire du point de vue de son ego qu'il ne le fait pas. La personne, elle dit, bon, OK, m'a essayé de faire la pureté à l'intérieur de moi, là. Puis la faire la pureté où il n'a pas besoin. Elle fait la pureté de l'autre côté, là. Elle ne fait pas l'intérieur. Resconisez. Levez-vous, jouez consciemment. Commencez à faire, par exemple, juste le jeu de la vie. Faire une histoire qui n'a pas de sens, mais qui a une suite. Il y a tellement de techniques, de petites choses que vous avez apprises. Si vous ne les avez pas apprises, c'est le temps que vous les appreniez, c'est des personnes qui ont un certain problème. Vous faites une démarche d'attente mentale, ça va immédiatement arrêter la compulsion. Puis quand ça ne peut pas s'exprimer chez vous, c'est fini par aller hanter ailleurs. La personne ne l'applique jamais rien. Elle supporte continuellement malgré qu'elle a l'information. Il faut que le monde commence à appliquer. Comment sera l'astral dans l'ère du Verseau? Il n'y aura pas d'astral. C'est ça que j'allais dire. Est-ce qu'il y aura de l'astral? Non, il n'y aura pas. C'est plat, ça y est, on va s'ennuyer. Non, les gens pourront plus s'ennuyer. Les gens pourront plus souffrir. Les gens pourront... Vivement, ça n'arrive pas. Qu'est-ce que le prieuré de Sion a acquis en vendant la terre? À quel prix? À qui? C'est ta correction à toi, ça, là? Oui. C'est notre caractère officiel. Il a acquis simplement, lui, on leur a donné un billet de transport quand on va venir chercher les intraterrestres, de façon à préserver, ils ont acquis simplement un billet de transport pour sacrer leur camp ici, parce que les Juifs, c'est une race qui apparaît en Atlantide, la race sémitique, et qui est en grande partie, ne provient pas du contexte planétaire, au même titre que l'humain, c'est un mélange, on parle de l'âme qui s'incarne dans l'intérieur du corps physique, et puis, ils avaient un rôle à jouer particulier. Et eux, ils ont simplement vendu la planète Terre au peuple extraterrestre, ils ont vendu la race humaine, ces choses-là, en échange d'un transport. Pourquoi Arthur... C'est pourquoi ils attendent toujours le Messie. Ah. Puis ils savent que celui qui est venu, c'est pas le bon. En ce qui concerne, inconsciemment, leur vision des choses. Pourquoi Arthur et Lancelot sont-ils encore en conflit? Ben non, le sont-ils encore? Non, ils sont pas en conflit du tout. Absolument pas. Non. Arthur et Lancelot ne sont pas en conflit. Si vous voyez des Arthur et des Lancelot en conflit, là, c'est des personnes qui ont réincarné leur personnalité. La personne d'Arthur est incarnée, digérée, ne se réincarnera plus nulle part ailleurs. La personne de Lancelot est incarnée, digérée, ne se réincarnera pas nulle part ailleurs. Les deux personnes sont totalement amies, ils n'ont aucun problème. Lancelot, en tant que personnage, a encore certaines petites problématiques en ce qui concerne son rôle. Il se fait encore ramasser un peu toujours avec l'idée d'être ailleurs, là où il ne doit pas être. Mais il règle le problème, c'est très, très, très, très, très bon. Il n'y a pas de... À l'intérieur de la chevalerie de table ronde, présentement, à travers les personnes réincarnées, il n'y en a plus aucun qui a des problèmes. Gauvin n'en a pas avec Arthur, c'est réglé, etc., etc. Et les personnes qui réincarnent des personnalités peuvent effectivement vivre des problèmes, parce qu'une personnalité ne peut pas régler un problème. Est-ce que l'île d'Avalon est située au même endroit que l'île des prêtres, mais dans un monde parallèle? L'île d'Avalon était très grande, elle est située... d'ailleurs, elle est apparue à deux places. L'île de Mans, c'est l'île d'Avalon. Oui. Dans un monde parallèle. Mais lequel qui est dans le monde parallèle? L'île d'Avalon. Oui, l'île de Man, tu peux la visiter. Mais même, évidemment, l'île de l'homme. C'est l'île d'Avalon. Est-il nécessaire pour réincarner une personne de vivre dans les mêmes types de cadres qui ont permis sa création? Je répète encore, on ne doit pas chercher à réincarner une personne, on doit chercher à réincarner une atmosphère. Que vous soyez X, Y, Z, si vous êtes totalement bien, qu'est-ce qu'on a à faire? On ne doit pas chercher à réincarner une personne en particulier. On doit simplement chercher à aller chercher de l'énergie des cadres, de l'énergie que nous, on va diriger. C'est ce qu'on doit faire. Laissez faire les personnes. Les personnes, c'est encore une personnalité que l'ego va aller chercher. On n'a pas besoin, vous allez réincarner exactement ce que vous avez besoin. C'est tellement mieux comme ça. On veut avoir ceci, on veut avoir... C'est pas je veux avoir de l'argent, je veux avoir ci. On se met aussi dans un monde où on a tout ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de rien acheter, l'argent n'a rien à foutre. Dans un monde intelligent, ce serait vraiment parfait. Bon, c'est ça qu'on doit aller chercher en termes d'énergie. Puis nécessairement, ce qui va arriver, c'est que si c'est pas spirituel, tout ce qu'on a besoin pour créer l'adaptation temporaire de ce qu'on veut aller chercher dans l'avenir à ce qui se passe présentement, va apparaître. On n'a même pas besoin de se casser la tête pour faire des stratégies pour être capable d'ajuster. On va tout le savoir quand ça va être le temps. Alors moi, je ne cherche pas à réincarner des individus. Avoir su qu'un jour je réincarnerais X, Y, Z, là, j'aurais tout fait pour pas les réincarner. Alors que même, ils l'ont pas dit. Bon. Sauf que là, c'est vraiment pas mieux. Vous avez, j'explique assez souvent que les individus ont la même importance. C'est les postes qui font différents. On n'a pas besoin de réincarner X, Y, A, B, C. Est-ce qu'on va réincarner ce qu'on a besoin ou ce qui nous convient? Non. L'individu qui est dans l'astral réincarne ce qui lui convient, donc réincarne ce qui convient aux deux plans, à l'astral et à lui, il se fait ramasser. L'individu qui fait partie des processus de la conscientisation va attirer les réincarnations en fonction de la mécanique, il va attirer les réincarnations qui vont le plus facilement ajuster son ego à l'expression de son intelligence, qui vont le plus facilement ajuster son corps physique à l'expression de l'intelligence, et qui vont le plus facilement ajuster tout l'entourage au complet en fonction de l'expression de son intelligence. Sans nom, on n'a pas besoin d'avoir le nom d'information. Genesis, est-ce la finance avant la conscience? Tout ce qu'on a fait jusqu'à date a toujours été la conscience avant la finance. C'est d'ailleurs ce qui fait que certaines personnes qui pensaient qu'on ferait plus de finance avant se plaignent un peu. Alors Genesis, c'est uniquement la conscience et nécessairement le baromètre va être le temps et la finance. C'est-à-dire qu'il est temps que les individus cessent de pas être dans les champs avec pas grand-chose. Il y en a qui disent « Ah, moi j'ai tout ce que j'ai besoin, je n'ai rien d'autre ». C'est vrai, totalement vrai. La journée, par contre, que vous allez devoir faire quelque chose d'autre, ça va être le temps d'exprimer dans un autre ordre de fait ce que vous êtes, là, vous allez vous rendre compte que, ben écoute, là, non, moi j'ai pas assez d'argent pour faire ça, là. C'est pas le temps. T'sais? Juste aller au Tibet pour finaliser une de tes réincarnations, ça va coûter combien? Tu poses la question, c'est parce que t'es mal pris. T'sais, t'as pas de question à te poser, tu y vas, les choses marchent tout seul. Bon, tout ce qu'on a fait jusqu'à date fait que la conscience passe avant la finance. Une finance, de toute façon, chez des gens comme vous, ne sera jamais fructifiante si vous n'avez pas la conscience. C'est totalement une lubie. La personne qui déciderait de se lancer uniquement en finance à un moment donné parce qu'elle n'aura le bol, elle ne parviendra à rien parce qu'elle est accrochée à la conscientisation, fait partie des autres lois. Elle est dans le processus de transition. Il n'y a rien à faire, les individus doivent se conscientiser. Mais la grosse partie de la conscientisation, c'est aussi l'application des mécaniques. De ce fait, c'est terre à terre, on va parler finance, on va s'organiser pour parler temps et parler finance. On parle de richesse, on parle d'argent, de temps et de santé, etc. Mais terre à terre, en ce sens, c'est ça qui fait qu'on conscientise la mécanique. Donc, c'est une application pratique de masse. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire d'être 15-20, on peut être, plus on va être, mieux ça va être, c'est un groupe de synergisation où on va appliquer pratiquement les mécaniques de conscientisation. Mais un individu qui ne comprend pas, cet individu-là, il va être reformé, il va être éliminé du groupe temporairement ou totalement. Parce que c'est la conscience qui devra venir attirer chez l'individu une attitude particulière qui va faire en sorte qu'il va devenir un être nouveau. Puis l'être nouveau est nécessairement un être aristocratique, donc qui a le temps, qui a l'argent, qui a la santé, qui est correct. Est-ce qu'on peut digérer les réincarnations familiales seulement qu'en les refusant? Non, quand on parle de refuser, là, si vous les refusez, vous ne les digérez pas, ils ne viennent pas. Puis quand je parle de refuser, c'est pas refuser en disant « Non, je ne veux pas, arrière, réincarnation familiale. » Non, vous devez être vous autres. Vous allez nécessairement ramasser que ce qui va bien avec vous. C'est tellement facile. Moi, j'ai expliqué la mécanique pour que les égos comprennent la mécanique. Pas pour qu'on complique à faire. Vous êtes vous autres. Vous êtes vous autres. Hein, moi, j'ai commencé à jouer au tennis avec des personnes. Eh oui, parce que la royauté joue au tennis. Ah, c'est sûr que j'aurais pu aller faire au pigeon d'argile aussi. Mais on peut aller jouer à d'autres choses. Bon, on fait quelque chose qui nous intéresse et qui, en même temps, va faire ça. À un moment donné, je m'en vais jouer au tennis, puis là, mon ami me dit, on devrait aller changer avant. Alors, on est correct de même. Il dit, ouais, mais là, ça fait campagnard, on va jouer au tennis. T'as raison. Quand t'allais changer, on s'est dit, plus propre, on va aller jouer au tennis. On avait l'air des personnes qui jouent au tennis, qui font partie d'une classe particulière. Mais on ne jouait pas aux joueurs de tennis. Effectivement, je me serais senti tout croche en jouant au tennis. Pas par rapport aux autres. ça qui est la différence. Quand vous vous sentez sale, c'est parce que vous avez peur que les autres vous sentent? Ou parce que vous vous sentez sale, vous vous sentez mal à l'aise, vous allez vous laver. C'est la même chose au niveau de l'onde de forme. À un moment donné, on se sent pas correct. C'est pas pour les voisins. Là, tu t'ajustes. Là, on était au tennis. On a joué aussi mal que si on avait été bien croche. Évidemment. Moi, j'amène mon sac de balles, parce que c'est trop mal. Moi, tout le temps, ramasser les balles. Je mets notre sac de balles, on commence à jouer. C'est correct. Ça fait partie de tout ce que l'humain doit comprendre. Et là, ça fait partie de l'application matérielle. Et c'est très plaisant. On ne joue pas. On joue pas. Tu pourrais faire de l'équitation aussi. Beaucoup plus. Oui, mais en fonction de l'énergie que tu as, on n'organise pas l'affaire. On n'organise pas l'affaire. En fonction de l'énergie que tu as. À un moment donné, il y a des sports que tu n'auras plus le goût de faire. Ou tu joues au badminton, puis subitement, ben, tu vas avoir le goût, pas de suivre la mode, d'arriver là avec les souliers fluorescents qui glissent, puis les pantalons, là, les babelles, puis c'est pas ça, tu n'es pas dedans du tout. Toi, correct. C'est être à la hauteur de ton énergie dans n'importe quelle situation. C'est ça qu'il faut faire. C'est là qu'on voit si la personne a compris ce qu'était l'onde de forme. Puis-je réincarner plus d'une personne à la fois? Ben, c'est ce qu'on fait sans arrêt. Et on est des grands réincarneurs. On réincarne là. Un personnage du nom de Ramta mentionne que la famille des Rothschild veut dominer l'homme dans sa quête du pouvoir. Est-ce exact? Oui. Elle veut. Est-ce que ce sont les morts qui manipulent l'ego inconscient pour le faire travailler contre nous? Non. C'est... Écoutez la conférence de vendredi dernier, ça va avoir déjà une bonne idée pour répondre à des choses. Et puis, ce ne sont pas les morts qui... C'est l'ego qui manipule les morts, c'est les morts qui manipulent l'ego. C'est toute une trame au complet qui est instaurée pour instruire des extraterrestres. Puis nous, on est totalement pogné avec cette trame-là. Qui manipule l'homme? Personne. Et qui est le manipulateur de l'homme? Les gardiens des intraterrestres. Puis est-ce qu'ils veulent manipuler l'homme? Ils ne savent même pas qu'ils manipulent des hommes. Donc, il n'y a personne qui manipule l'homme. Parce que l'homme accepte d'être associé à ça, l'homme est son propre manipulateur. Puis dans l'astral, toute information qu'on met dans l'astral, c'est une information qui est associée à l'idée qu'on doit servir les lois et les commandements donnés par les gardiens de la prison des intraterrestres. Or, nécessairement, toute expérience humaine est une expérience basée sur l'idée qu'effectivement, on est fait à l'os. Mais on a toujours basé notre expérience sur l'idée qu'on était fait à l'os. Ça fait des milliers d'années. Ça fait des millions d'années qu'on agit et qu'on nourrit une mémoire de prisonnier. Mais c'est évident que là, quand on regarde la mémoire uniquement humaine, c'est une mémoire de prisonnier, mais basée sur une trame. C'est comme si tu as été au théâtre, tu as appris que pour faire un scénario de film, il fallait toujours qu'il y ait des meurtres. Puis qu'il y ait des ci, puis des ça, puis des ça. Mais tu as fait un scénario, puis il se plaint de meurtres. Et les gens m'ont dit, ouais, mais Maurice Rochet, il me semble qu'il y a un gars violent. Il n'est pas violent. Mais regarde ce qu'il a écrit. Ah non, mais il a écrit en fonction des lois de l'écriture. Sauf qu'il a suivi un cours chez les intraterrestres, pas chez les humains. Le gars est bien correct. Ce qu'il a écrit est écrit en fonction de ça. Mais le gars est correct. Les humains sont corrects. Les humains sont tous pas corrects. Ils sont tous corrects. Qui est Matria? C'est plusieurs bons gars. Mélangés ensemble, ça fait qu'ensemble, ça ne fait pas quelque chose de bon. Maitreya, c'est la personne, c'est un bonhomme. Non, Maitreya, c'est l'agglomération réincarnationnelle, relativement fusionnelle, ça va s'agglomérer ensemble, ça va se fusionner, des mémoires les plus puissantes de Mahomet, de Nazaréen, de Bouddha, d'Adolf Hitler, d'Allah, de Manitou, d'Odin, de Zarathustra, d'un paquet d'autres. Et lui, il réincarne tout ça au complet de façon à se pointer à un moment donné devant les peuples pour que tous les peuples s'associent à lui. Lui, c'est le plus puissant des antéchrists. Puis sa fonction, c'est pas une fonction blanche, une fonction noire. Il va servir à écœurer puis à fourrer la majorité des masses humaines. Et ça va permettre aux humains de se réveiller à la lumière. Justement. Fait que Maitreya va avoir une puissance. Pourquoi? Parce que quand il va se pointer devant les musulmans vont vibrer que c'est Allah ou Mahomet, fait qu'ils vont le suivre. Quand il va arriver devant les chrétiens vont vibrer que c'est Jésus, fait qu'ils vont le suivre. Quand il va arriver devant un paquet d'autres peuples, ils vont vibrer que, fait que c'est le bonhomme qui va ramasser le plus de prestige au niveau des personnalités sur le contexte planétaire. Il y aura plus qu'un Maitreya. Que vient faire Maitreya au Québec en septembre? Il vient pique-niquer. Maitrier, présentement, il n'est pas formé. Hein? Il lui manque quelques transistors. Alors, présentement, il cherche les transistors. Fait qu'il vient au Québec voir si les gens vont le reconnaître. Est-ce que ça va être capable? Il vient pour énergiser l'égrégore. Hein? Parce qu'il y a une petite population maitrier ici. Alors, il vient pour énergiser. Puis là, s'il y a plein de monde qui accroche, là, il va commencer à sortir. S'il n'y a personne qui accroche ou pas assez, là, il va retourner parce que les gens ne le verront même pas. S'il y a suffisamment de monde, il va commencer à penser peut-être qu'il va se pointer, parce qu'il a peur de se pointer. S'il se pointe, les gens vont être capables de se rendre compte que c'est pas correct. Il faut beaucoup d'énergie pour être capable de ratifier totalement son bouclier pour qu'il paraisse bien. Parce que Maitreya, c'est pas présenté encore. Bon. Alors, surtout quelqu'un qui parle au nom de Maitreya, mais Maitreya, pas fort. Alors, il vient simplement pour voir ce qui se passe au Québec, parce qu'il y a Shambhala qui est vu dernièrement, il y a la Garta qui s'est déplacée pour venir voir un peu ce qui se passe des affaires au Québec, absolument phénoménal. Est-ce qu'ils sont obligés de venir pour se rendre compte? Hein? Absolument. Par vous dire, ils peuvent pas croire ce qui se passe ici. Fait qu'ils viennent voir. Alors, ils viennent voir, puis ils se rendent compte que ça va vite. Mais Maitreya, lui, va prendre une apparence physique d'un individu? Il est déjà dans un individu, sauf que... Comme tu dis, il va en avoir plusieurs. Oui. Est-ce qu'il y en a avoir un, mettons, qui peut réincarner à l'heure? Puis... Non, il va en avoir plusieurs, mais ça va être ensuite l'un après l'autre. Est-ce que cette démarche annonce les événements futurs? Non. Il ne serait pas mieux annoncer bien avant, puis Jean de Patmos aussi, puis un paquet d'autres. Non, cette démarche annonce absolument rien. C'est... Il vient, il part, il va, il se promène. Non, les événements futurs, ils sont là. On n'a pas besoin de Maitreya pour les annoncer. Ça ne veut rien dire de plus. Et le golfe Persique, ça annonçait, si tu Maitreya, si tu Richard Glenn, si tu... Ça s'annonce seul les événements futurs. Surtout qu'il va y avoir à un moment donné des séparations au niveau des futurs, ce qui fait que ne pas... Maitreya, il vient simplement confirmer qu'un beau tas de paquets de Québécois et de Québécoises qui ont de l'allure, qui sont dans l'intelligence, puis il vient simplement au Québec parce qu'il vient voir si ça se peut. Donc il vient, il en a entendu parler en masse, il vient, c'est une confirmation. Il vient pour rien annoncer, il confirme. Est-ce que lui va être contre ces gens-là? Oui. Il va essayer d'en récupérer quelques-uns, effectivement. Mais Maitreya, c'est la valeur spirituelle la plus implacable et la plus puissante que la mécanique n'aura pas placée sous contexte planétaire pour ramasser l'humain. Alors que mon auto me jouait des tours, j'ai senti le besoin de... Aller au garage tout seul. Comme dans l'annonce, l'auto, c'est OK. J'ai senti le besoin de parler pour ne pas me faire charrier. Voilà la phrase qui m'est venue. L'homme qui n'est pas bien dans l'homme n'est d'autre que l'homme dans l'homme. Mais si l'homme peut chasser cet homme, alors cet homme sera plus que l'homme. Commente. Dans cette phrase, une partie de moi se retrouve, et une autre a peur de s'y perdre. Mais je ne tiens pas à commenter, c'est clair, c'est intéressant, ça fait philosophique évidemment, là, c'est le genre de phrase que nous sponsors pour nous amuser, qui est très bien. Parce qu'évidemment, l'homme puis l'homme, c'est pas l'homme. Hein? T'as l'homme absolu, puis t'as l'homme qui se pense l'homme, t'as l'ego, la mémoire, etc. Fait que c'est évident que l'homme dans l'homme, quand il se sent mal dans l'homme, il y a intérêt à acheter l'homme dehors pour arriver à être l'homme qui peut être correct dans l'homme. C'est absolument évident. La personne, j'ai pas besoin de commenter. Pourquoi? Parce que la personne est là de temps en temps. Il faut faire attention, évidemment. Cette communication-là est une communication typique des ordres spirituels. Elle est vraie. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là simplement? C'est qu'il faut pas qu'à un moment donné, on pense qu'on a un contact puis qu'on devrait l'écouter tout le temps. C'est toujours la même chose. On écoute uniquement quand ça fait notre bonheur, quand ça fait du sens pour nous. Là, on écoute, il n'y a aucun problème, ça marche, ça fonctionne. Mais j'ai pas à commenter. La personne, elle a reçu ce qu'elle avait à recevoir, puis c'est correct. Puis ça va continuer. Quand quelqu'un vient commencer à vous commenter, à vous expliquer trop facilement à vos bébelles, là, c'est quelqu'un qui tient à vous assujettir. Pourquoi? Parce qu'on tient à vous ôter toutes les possibilités que vous puissiez avoir de vous en sortir tout seul. Je pense que je comprends. Va te l'expliquer. Ah ouais. Là, je t'explique tout au complet. Mais là, tu pensais, tu comprends. Là, maintenant, tu comprends, mais c'est à cause de moi. T'as besoin de moi. Ah ouais. T'sais? Après ça, là, j'ai une idée. Ça va être quoi ton idée? Telle affaire. Ah, c'est bon. Là, je t'explique tout pourquoi c'est bon. À un moment donné, c'est compliqué. Moi, j'aime bien me la fermer de temps en temps, puis le langage d'oiseau, c'est une affaire que plus on se rapproche de la conscience, ou plus on se rapproche de moi, ou plus on se rapproche de ce qu'on est personnellement, moins on communique sur ces choses-là. C'est le langage d'oiseau. Comme j'expliquais à un moment donné. C'est, t'as raison. Oui, mais t'as tort. Je sais. T'as raison. Absolument. La personne a tort et raison en même temps. C'est exact. On n'a pas besoin de rien expliquer, là. puis les personnes qui vont qui travaillent avec moi, puis celles qui vont travailler un peu plus avec moi au fur et à mesure que le temps va aller, les explications, c'est ce qu'ils vont avoir le moins. Puis c'est une des plus grandes façons d'aider quelqu'un à son ascension, puis de conserver de l'énergie, puis de créer des synergies, c'est de rien expliquer. As-tu vérifié ton automobile dernièrement? Pourquoi? Pas comme ça. Non, non, dis-moi pourquoi, dis-moi pourquoi. Non, je te donne un jour là. Non, mais tu as une raison pourquoi tu me dis ça. Ben oui. Ben c'est quoi? Ben, j'avais le goût de le dire. Ah, c'est de niaiser. J'ai rien à expliquer. Si t'as pas compris tout de suite, là, tu n'as rien à faire. Oublie ça. C'est cohantesque comme évolution. C'est des cohants. Ça permet à l'individu d'être énergiopathe, de se centrer sur lui-même, etc. Le message qu'elle a eu, c'est un message qui permet des stimulations énergétiques cérébrales. Puis moi, j'ai rien à commenter là-dedans. Alors pour conclure, on s'arrange pour faire attention énormément à l'expression astrale et psychologique et émotive de l'évolution, du contact supramental, de ces choses-là. Puis on s'arrange pour comprendre l'utilité des personnalités qui est à réécouter la conférence aujourd'hui. On est des personnes, c'est parfait. On doit se servir des mécaniques de la forme, des mécaniques de la personnalité, c'est-à-dire des buts qui sont compris par notre intelligence. Puis on applique, puis ça fonctionne. Il faut cesser de se limiter. Puis on applique un peu de croche, puis on trouve que ça marche pas. C'est évident. Quand on prend des antibiotiques deux jours de temps, puis on trouve que ça n'a pas guéri, il faut les prendre au complet ou pas les prendre du tout. Le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, de l'enfant nouveau, c'est un choix qui est global. C'est pas un choix qui est à moitié. C'est évident qu'il y aura une transition par la suite, c'est impeccable. La transition, on peut la rendre plus douce, on peut la faciliter, puis on peut évidemment toujours être dedans en train de nager à contre-courant dans une piscine. On va le faire. Alors là-dessus, ben, bonne semaine.